10-14 activation, compréhension auditive. Temps météorologique et temps chronologique. Vous allez entendre une série de phrases. Dans chaque phrase, déterminez s'il s'agit du temps météorologique ou du temps chronologique, en cochant la case appropriée. 1. Quel beau temps. 2. Quand on est en vacances, le temps passe vite. 3. Je ne peux pas venir, je n'ai pas le temps. 4. Ça, c'est bien notre chance. Ça fait 3 jours qu'il pleut. 5. Mais je ne suis pas pressé. Prenez votre temps. 6. Quel temps splendide. Il fait vraiment beau, vous ne trouvez pas? 7. Nous allons jouer au portrait pour passer le temps.